L'actualité à Nancy et ailleurs. Francine Ricci, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisatrice du Printemps du Théâtre à Maxéville qui va se dérouler les 19 et 20 avril. C'est la deuxième édition de ce Printemps du Théâtre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Ce festival du théâtre amateur, il est né à l'issue d'une demande souhaitée par Christophe Chauvereau, qui connaissait ma passion pour le théâtre et qui m'a demandé d'imaginer une manifestation. L'intention, c'était en fait d'offrir l'occasion de se retrouver pour partager des moments de rire, d'émotion, de réflexion, dans évidemment une visée de toucher un public très très élargi, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, et surtout des personnes qui ne s'autorisent pas à venir au théâtre. Voilà, c'était un projet donc modeste en ce qui me concerne, mais un vrai pari que celui de toucher un maximum de gens. Alors la première édition, c'était l'année dernière, comment ça s'est passé ? Oui, donc l'année passée, donc en avril, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons appelé Printemps du Théâtre cette manifestation. Je me suis intéressée au théâtre amateur, des troupes de la région. Le théâtre amateur, pour moi, c'est un théâtre tout à fait respectable. Les amateurs, on a l'étymologie aimée dans ce mot, et ils ont les mêmes exigences que les pros, le même désir de toucher un public, le même trac avant de monter sur scène. Et souvent, ils se réunissent régulièrement pour travailler des textes qui conjuguent une activité professionnelle ou des études. Et donc, trois troupes ont été retenues. La troupe de Francine Calvetti, Tohu Hornot Bohu, la compagnie Tohu Hornot Bohu, qui a donc présenté Passion et Prairie. C'était une comédie douce amère. Et puis la comédie de Fedo dell'Arte par la compagnie Incognito, et celle de Sandrine Gironde, Théâtre Ouvert, qui a présenté un huis clos, 12 hommes en colère. Donc vous voyez, c'était trois compagnies de la région et qui présentaient des œuvres diversifiées, mais qui pouvaient intéresser tout public. Voilà, tout public, voilà. Tout âge voilà. Aussi. Oui, parce que mon intention, c'est justement de permettre à tout le monde de venir au théâtre. Le huis clos 12 hommes en colère était quand même davantage réservé à des adultes, mais nous avons eu la grande satisfaction d'avoir entre 90 et 100 personnes à chaque représentation, ce qui était véritablement une prouesse pour moi. Cette réussite amène une deuxième édition cette année, oui. Qui va se dérouler alors initialement du 17 au 20 avril, mais oui. Malheureusement la première date, celle du 17 avril, a dû être annulée pour raison de santé. Effectivement, la compagnie qui ouvrait la deuxième édition, celle de Sandrine Gironde, justement, le Théâtre Ouvert, a connu un grave problème dans la mesure où l'un des comédiens a été hospitalisé de toute urgence dans un état très grave. Il s'avère que ce comédien-là était en fait un personnage phare, si vous voulez, dans la pièce. Il était présent sur les trois quarts des scènes et il nous était pas possible donc d'envisager une autre possibilité de remplacement. Le théâtre amateur n'autorise pas les doublures, etc. Bon, l'essentiel, bien évidemment, c'est que ce comédien soit sauvé. C'est notre plus grande, évidemment, satisfaction. Mais bon, la déception par rapport à l'annulation, elle est là. J'espère que le public comprendra et pardonnera cette annulation. Le public qui sera là pour les deux autres dates qui sont proposées, le 19 et le 20 avril. Voilà, je l'espère de tout cœur. Le 19, il y a une petite particularité, une source aussi de grande satisfaction, c'est que nous avons pu inviter les enfants de la compagnie de la Berlu, qui est dirigée par Raquel Rationero et Johanna Cuvignon. En fait, ce sont des enfants qui travaillent un atelier de théâtre et pour la première fois, ils vont monter sur scène. Et pour moi, c'est vraiment très très précieux que de pouvoir valoriser des enfants. Ils sont d'ailleurs très impatients de monter sur scène. Alors c'est un petit moment théâtral, ça va durer 20 minutes. On va demander bien évidemment la bienveillance du public. Mais je suis très contente parce que ce sont des enfants qui vont sans doute permettre à leurs parents de venir aussi au théâtre les applaudir. Et puis ils vont rencontrer les comédiens du soir qui eux aussi sont impatients de jouer. Ce sont les comédiens du théâtre des Sources de Houtemont qui vont présenter Herbe folle. Voilà. Eux, ils n'avaient pas de texte susceptible de nourrir toute la troupe parce qu'il y a une grande générosité dans ces compagnies amateurs qui veulent en fait permettre à tous de participer. Et donc ils ont puisé dans un répertoire connu et puis ils ont eux-mêmes créé aussi des textes. Et c'est très drôle. Donc ça s'appelle Herbe folle. Voilà, le jeudi 19 avril à 20h. Voilà, peut-être préciser aussi où se passent tous les spectacles. C'est au centre intercommunal. Oui, voilà, le centre intercommunal de l'Axou-Maxéville qui se tient 23 rue de la Meuse à l'Axou. Et le spectacle est à 20h. Alors, deuxième date, le vendredi 20 avril, là aussi, donc à 20h, avec la compagnie Incognito, qu'on retrouve donc cette année. Voilà, la compagnie Incognito, ben, elle est très connue dans la région. Et les comédiens participaient au Festival Off d'Avignon, c'est quand même à noter, dans un Fédo qui sont venus d'ailleurs jouer l'an passé. Et là, ils présentent La Mégère à peu près apprivoisée. Le titre à lui seul est révélateur de la tonalité comique de leur représentation. Donc, ils ont transformé le texte de Shakespeare, entre guillemets, en comédie musicale. Donc, c'est très drôle, très enlevé. Et là encore, on attend l'écran, les petits, pour venir applaudir les comédiens amateurs. Voilà, le printemps du théâtre, les 19 et 20 avril, donc au centre intercommunal de l'Axou, Maxéville. Les deux spectacles, c'est à 20h. Un mot sur les tarifs qui restent assez accessibles, bien sûr. Oui, c'était aussi une volonté de permettre à tous d'accéder à ces représentations. En fait, un spectacle, c'est 5 euros, les deux, 8 euros. Et un tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les personnes à la recherche d'emploi, les familles nombreuses. Et le tarif réduit donc de 3 euros pour un spectacle et 5 euros pour deux spectacles. On peut réserver donc en téléphone au 03 83 37 01 65. C'est préférable de réserver sa place pour être sûr. Oui, bien évidemment, c'est une sécurité, même si la salle elle accueille un grand nombre de personnes. On peut se rendre sur place le jour même. Et pouvoir assister à ces deux beaux spectacles, donc même trois, puisqu'on peut ajouter les enfants de l'atelier théâtre de la MJC Massinon, qui participent en première partie le jeudi 19 avril. On retrouvera tout ça sur notre site internet, et bien sûr, on peut retrouver ça sur le site de la ville de Maxéville, maxéville.fr. Et Francine Ricci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.